Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopal Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, commencer la branche d'Abelimpe où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Alléluia. Amen. You need to pray for the Holy Spirit. Tu dois prier pour le Saint-Esprit. You need to pray in the Holy Spirit. Tu dois prier dans le Saint-Esprit. That's one of the things that will make you strong. C'est l'une des choses qui va te rendre fort. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. So, without wasting time. Okay. Donc sans perdre du temps. Seven steps. Sept étapes. Seven steps. Sept étapes. To an effective quiet time. Pour avoir un temps de recueillement efficace. Hallelujah. Seven steps. Sept étapes. To have an effective quiet time. Pour avoir un temps de recueillement efficace. You know quiet time. Est-ce que vous connaissez le temps de recueillement? You know quiet time. Est-ce que vous connaissez le temps de recueillement? I'm asking a question, you're not responding. Je pose une question. That is rude. C'est impoli. Alléluia. I hope you're not offended. J'espère que vous n'êtes pas offensé. Okay, hallelujah. So tonight, just teaching you. Donc ce soir, je vais vous enseigner. I'm sad that a lot of people are not here. Je suis triste que beaucoup de personnes ne soient pas là. Hallelujah. The first thing to do. La première chose à faire pour avoir un temps de recueillement. Hallelujah. Amen. First of all, you need to have a Bible. Premièrement, tu dois avoir une Bible. Without your Bible, you can't have your quiet time. Sans ta Bible, tu ne peux pas avoir un temps de recueillement. Alléluia. Amen. You need your Bible. Tu as besoin de ta Bible. You may need a dictionary. Tu peux aussi avoir besoin d'un dictionnaire. You need a notebook. Un carnet de notes. You need a pen. Et un stylo. To write. Pour écrire. Alléluia. Amen. Amen. Are you here? Yeah, so simply want to learn simple steps of having a quiet time. Donc, on va apprendre des étapes simples pour avoir son temps de recueillement. Alléluia. And I want to announce that next week, Thursday, by the grace of God, et je vais annoncer que jeudi prochain, we are going to pray again. Nous allons prier encore. And I want to encourage everyone to come early. Et je vais encourager tout le monde à venir tôt. Let's pray for 1 hour, 2 hours. Venez et prions pour 1 à 2 heures. Alléluia. Amen. That's one of the things that will make you a strong Christian. C'est l'une des choses qui va t'aider à être un chrétien fort. And that's one of the ways that you... Or the ways you learn to pray. C'est l'un des moyens pour apprendre à prier. Hallelujah. Yeah, you learn how to pray. Tu vas apprendre comment prier. When we gather together to pray. Quand on se rassemble pour prier. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. Alone you can't pray. Seul tu ne peux pas prier. Most of you haven't prayed. La plupart d'entre vous n'avez pas prié. If you hadn't come tonight, you haven't prayed this week. Si tu n'es pas venu ce soir, c'est que tu n'aurais pas prié cette semaine. Yeah, so it's a good time for those who find difficult to pray. Donc c'est un bon moment pour ceux qui ont du mal à prier. Yeah, you should be the first person to come here. Tu dois être la première personne à venir. Yeah, most of you don't pray. La plupart d'entre vous ne priez pas. Begin to ask now, you see, there will be confusion here. Si je commence à demander, il y aura la confusion ici. A lot of you don't pray. La plupart d'entre vous ne priez pas. It's true or it's not true? C'est vrai ou c'est faux? Let's say the truth to shame the devil. Disons la vérité pour donner honte au diable. We don't pray. Nous ne prions pas. That's the truth. C'est la vérité. So when they announce that, come and pray because it's not easy to pray at home. Parce que c'est pas facile de prier à la maison. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? It's not easy to pray at home. Pas facile de prier à la maison. Now you get up, then you want to pray. Donc tu te lèves et tu as envie de prier. C'est pas facile. Hallelujah. Amen. Yeah. Because the environment is such that. Parce que l'environnement est tel que. It doesn't click in your mind that you have to pray. Ça ne résonne pas dans ta pensée que tu dois prier. Yeah. You know, it doesn't come to your mind at all. Ça ne vient pas dans tes even pensées. Even sometimes it comes tout. To your mind, it's even difficult. Même que ça vient dans tes pensées, c'est compliqué. Yeah. Am I describing somebody's life? Est-ce que je décris quelqu'un ici? Yeah. So when they say, come and let's pray, we are praying in church. Donc quand on dit, venez, nous prions à l'église. You should come. Tu dois venir. To help you. Pour t'aider. And the more you pray with others. Et plus tu pries avec les autres. The easier it is for you when you go home. It's easier to pray. Et ça devient plus facile pour toi de prier quand yeah. tu es à la maison. It's a secret. C'est you un secret. I'm telling you. Je ne sais pas, je t'informe. Yeah. Oh, me, I'll go and pray. You go, you are doing something else. Je dis, oh, you're je vais aller prier à la maison. Entre temps, tu fais autre chose à la maison. You're watching TV and other things. Tu suis la télé. You're doing chose. WhatsApp. Tu fais WhatsApp. You're doing Facebook. Tu fais Facebook. Yeah. Yeah. Where have you seen in the Bible that Facebook will give you a blessing? Où as-tu vu dans la Bible que Facebook va te donner une bénédiction? Yeah. Where? There's so, not in the Bible. Il n'y a aucun endroit comme ça dans la Bible. So if it's time to pray, donc si c'est le moment de prier, and we are all gathering to pray, et nous nous rassemblons pour prier, you come, tu viens, it will activate something in you. Ça va activer quelque chose en toi. It will activate that spiritual part of your life. Ça va activer cette partie spirituelle de ta vie. That will desire to pray. Qui va désirer prier. Yeah, that part is there. Cette partie est là. That's why sometimes you think, oh, I've not prayed. Oh, I have not prayed. Parfois tu penses, oh, je n'ai pas prié. You think about prayer. Pense à la prière. You dream prayer. Tu rêves de la prière. You read prayer. Tu lis la prière. But you don't pray. Mais tu ne pries pas. A lot of people can read and do quite time about prayer, but they haven't prayed. Beaucoup de personnes peuvent lire et faire le temps de la prière, mais en vérité, ils n'ont pas prié. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. The first step to prayer. La première étape pour prier. The first step. You know the first step. Est-ce que vous savez la première étape? Is to start to pray. C'est de commencer à prier. That's the first step. Just begin to pray. Ça, c'est la première étape pour prier. Yeah. Tu commences à prier. Yeah. So if you haven't started to pray, then you haven't reached anywhere. Donc, tu n'as même pas commencé à prier, donc tu n'as encore rien fait. Those who say, oh, I want to learn about prayer. I want to study about prayer. I want to research. Ceux qui disent, je veux faire des recherches sur la prière, étudier le sujet en profondeur. If you haven't prayed, all the research is nothing. Si tu n'as pas prié, alors toutes les recherches ne servent à rien. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. So let's come. Donc venons. Let's come. Venons. Let's come. As venons. You come, that part of your being. Cette partie de ton être. Will be activated. Sera activée. So as you go home, you feel the desire to pray. Donc alors que tu vas aller à la you maison, feel tu the auras desire le désir to pray. Something de will be prier. Pushing you. Go and pray. Quelque chose va te pousser à prier. Then you see that it becomes easier to pray alone at home. Et donc, ce sera plus facile pour toi de prier seul à la maison. Alléluia. Are you here? Yeah. That's how I learned how to pray. C'est comme ça que j'ai appris à prier. Learn how to pray. Comme ça. Alléluia. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So it's something that something will happen to you as you come. Donc quelque chose va se passer alors. Something will happen. Quelque chose va se passer. So that as you go home. Alors que tu vas à la maison. Thinking of praying. Tu vas penser à prier. As you are walking. Alors que tu you see that you feel like saying some praying. Tu vois que tu auras envie de prier. Hallelujah. Amen. Yeah, but if you don't come, si tu ne viens pas, nothing will happen to you. Rien ne va se passer. And you'll be a prayerless Christian. Et tu seras un chrétien qui ne prie pas. Prayerless. Sans prière. Yeah. Okay. So next week, 5 o'clock, we are here. We are praying. Donc la semaine prochaine à 17h, nous sommes ici. And if you are a serious Christian too, et si tu es un chrétien sérieux, Tuesday. Tuesday, mardi. Yeah, at Kodesh. À Kodesh. We pray from 5 to 7. On va prier de 17h yeah. à so you have prayed 4 hours in the week. Donc tu vas prier 4 heures dans la semaine. That's a very great achievement spiritually. C'est un grand accomplissement spirituellement. Hallelujah. Amen. That you pray 4 hours in the week. Tu vas prier pendant 4 heures de temps. Some of us need 5 minutes. If it's not this. That we have come to church. Even 5 minutes that we haven't prayed. C'est pas que nous sommes venus à l'église. Même 5 minutes, nous n'aurons pas prié. The whole week, you haven't prayed. Five. Toute la semaine, tu n'as pas prié. Même 5 minutes. Yeah. You see why some of your decisions don't work. parfois some of your decisions don't work. Certaines de tes décisions ne fonctionnent pas. Some of the things don't work in your life. Certaines choses ne fonctionnent pas dans ta vie. You see why? Est-ce que vous voyez pourquoi? Yeah. Because when you are praying, you are asking God to come. Parce que quand tu pries, tu demandes à Dieu d'agir. God is involved in your life. Dieu est impliqué dans ta vie. Yeah. And things will go in a certain way. Et les choses vont aller d'une certaine manière. Hallelujah. Amen. So 7 steps to quiet time. Donc 7 étapes pour le temps de recueillement. The first one. La première étape. Is to pray. Pray to begin. C'est prier pour commencer. Pray to begin your quiet time. Prier pour commencer ton temps de recueillement. Hallelujah. Pray to begin. Prier pour commencer. Yeah, you can't start. I mean, as a Christian, you can't start anything without prayer. En tant que chrétien, tu ne peux rien commencer sans prier. Hallelujah. Amen. Yeah, and Exodus chapter 34, verse 6. Exode 34, verset 6. It's an example of prayer that you can pray. C'est un exemple de prière que tu peux faire. And Psalm 119, verse 18. Et son, Psalm 118, verset 18. Psalm 119, verse 18. Psalm 119, verset 18. Exodus 34, 6. Exode 34, 6. So let's read Exodus. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful, gracious, loves, long-suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon their children and upon their children's children and unto the third and to the fourth generation. And Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshiped. Hallelujah. Exode 34, 6 à 8. Le Seigneur passa devant lui en proclamant, le Seigneur Dieu, compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la troisième génération et la quatrième génération. Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Alléluia. Yeah, so you see here, God was telling Moses who he is. Donc ici, Dieu disait à Moïse qui il est. So these are the words that you need to use when you say worship, worship God. Donc ça sont les mots à utiliser quand on dit adore Dieu. Hallelujah. I say, okay, well, let's worship the Lord. Let's say something to God. Donc on va dire, okay, adorons Dieu, disons quelque chose à Dieu. Yeah, God merciful is there. You learn it. C'est là. God merciful and gracious. Long-suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy. Those are the things that you use to worship God. Because some of you don't know how to worship God. Parce que certains ne savent pas comment adorer Dieu. True or not true? Vrai ou faux? If you don't sing a song, then you can't worship God. Si tu ne chantes pas un chant, alors tu ne peux pas adorer Dieu. True or not true? Vrai ou faux? So tonight I'm showing you something that you can use to worship. Donc ce soir je vous montre quelque chose when à utiliser not, pour when adorer. We are not singing, quand on ne chante pas, I'll say, oh, close your eyes and worship God. Et on dit, oh, ferme les yeux et adore Dieu. Love the Lord. Aime le Seigneur. Good to God. Dis quelque chose de bien à Dieu. Say, God, you are merciful. Tu dis, Dieu, tu es miséricordieux. Tu es plein de grâce. You are full of goodness. You are good. Tu es bon. Hallelujah. You are slow to anger. Tu es lent à la colère. You forgive iniquity. Tu pardonnes les iniquités. These are the words in worship. Ce sont les mots dans l'adoration. Have you learned something? Avez-vous appris quelque chose? And there are a lot of them in Psalms. Et il y en a beaucoup comme ça dans Psaume. Yeah, when you go to Psalms, there are a lot of worship that you can read and you can learn, you can use them in your worship time. Quand tu vas dans Psaume, il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser pour adorer Dieu. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, so those are the words. As you read the Bible, you get to know who God is. Donc alors que tu lis la Bible, tu apprends qui est Dieu. When you say, oh, our Father which is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Quand on dit, oh, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit élevé, que ton royaume vienne. Worshiping God. Tu adores Dieu. Our Father which is in heaven. Notre Père qui es aux cieux. Hallowed be thy name. Que ton nom soit sanctifié. Hallelujah. Amen. Yeah, so he's talking about the names of God. Ça parle du nom de Dieu. So you're supposed to use those names to worship him, to tell him who he is. Donc tu es censé utiliser les noms de Dieu pour lui dire qui il est. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you learning something? Apprenez-vous quelque chose. So when I say worship God, do it meaningfully. Donc quand on dit adore Dieu, fais-le avec compréhension. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So is there? Forgiving iniquity, transgression, and sin, and by no means clear the guilty. Okay, yeah. And Moses bowed down. Et Moïse s'inclina. Hallelujah. So doing your quiet time, the first thing you need to do is to worship God, pray and worship God. Donc pendant ton temps de recueillement, la première chose c'est prier et adorer Dieu. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. De 2 à 5 minutes. Yeah, you can sing a song. Peut chanter un chant. Hallelujah. Amen. Yeah, and but Psalm 119 verse 18. Et Psalm 119 verset 18. Okay, so the Exodus is about worshiping God. Exode parle de adorer Dieu. Then what else? That Psalm 119 verse 18 talks about the prayer. Et Psalm 119 verset 18 parle de la prière. What do you need to pray before you start your quiet time? Pourquoi dois-tu prier avant de commencer? It's there. It's Psalm 119 verse 18. C'est là. It says, "Open thou my eyes, that I may behold wondrous things out of thy law." Qui dit, ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Hallelujah. So you are praying that God should open your eyes. Donc tu pries que Dieu ouvre tes God yeux. God should open the eyes of your heart. Dieu ouvre les yeux God de ton cœur. God should open your understanding. Dieu ouvre ton intelligence. So that you will know the wondrous things. Afin que tu contemples les merveilles. The things that are hidden. Les choses cachées. Hallelujah. Yeah. Things are hidden. Les choses sont cachées. Yeah. Riches are hidden. Les richesses sont cachées. Yeah. True or not true? Vrai ou faux? Riches are hidden. Les richesses sont cachées. Even your small money, is it not hidden? Même ton petit argent, c'est pas caché? Is it not hidden? Pas caché. You hide it or? Huh? You hide it. Tu caches ça. You hide it. Yeah. So they are hidden. Donc c'est caché. When they say the blessings of God are in his word. Donc quand on dit les bénédictions de Dieu sont dans sa parole. Something hidden. C'est quelque chose caché. As you pray this prayer. Alors que tu fais cette God prière. God will open your eyes. Dieu va ouvrir open tes yeux. Open your understanding. Ouvrir ton intelligence. Then you learn something. Et tu vas apprendre certaines choses. Take into God's blessing. Ça va t'amener dans les bénédictions de Dieu. Hallelujah. Are you here? Are you here? Yeah. So this one prayer that you can pray. Donc ça c'est une prière que tu peux faire. In Ephesians, there's another prayer therefore before you do your quiet time. Dans Ephésiens aussi, il y a une autre prière. Ephesians chapter 1 verse 17. Ephesians chapter 1 verse 17. Ephésiens 1, 17. Okay. 1, 17, 15, 16, 17. Okay. Yeah. It says, French, English, okay. It says that the Lord, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Verse 8, in the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saint and the exceeding greatness of his power. C'est-à-dire, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Hallelujah. Amen. Yeah, so if you don't know what to pray, donc si tu ne sais pas sur quoi just prier, take Psalm 119 verse 18 and Ephesians chapter 1 verse 17 donc and 18. Prends juste Psaume 119, verset 18 et Ephésiens 1, 17. Before you start your quiet time. Avant de commencer ta méditation. Hallelujah. And you see that God will give you a spirit of revelation. Et tu vas voir que Dieu va te donner un esprit de révélation. A spirit of wisdom. Un esprit de sagesse. And you become wiser. Et tu vas devenir plus sage. As you study the word, as you do your quiet time. Alors que tu étudies la parole. Hallelujah. Are you here? Yeah, and I'll say that everybody. Je dirais que tout le monde. If you are here tonight. Si tu es ici ce soir. Every day. Tous les jours, do your quiet time. Fais ton temps de méditation. And start by prayer. Et commence par la prière. Don't look for prayer anywhere. Ne cherche pas la prière ailleurs. Just take Psalm 119 verse 18. Juste prends Psaume 119, verset 17. Éphésiens 1, and 17. Pray. One et minute, two minutes. Une minute, deux minutes. And worship God. Et adore Dieu. Exodus 34, verse 6 to 8. Exode 34, yeah. verset 6 à 8. And worship God. Et adore Dieu. Just 2, 3, 4 minutes. Juste 2, 3, 4 minutes. Hallelujah. Can you do it? Can you do it? Peux-tu le faire? This is the beginning of your spiritual growth. Ça, c'est le commencement de ta croissance spirituelle. Your spiritual growth starts with this. Ta croissance spirituelle commence avec ça. Yeah. We don't grow spiritually by singing. On ne grandit pas spirituellement en chantant. We don't grow spiritually by dancing. On ne grandit pas spirituellement en dansant. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Singing has its place. That's something. Le chant fait quelque chose. And all other things we do spiritually, they do something. Et toutes les autres choses que nous faisons spirituellement ont leur objectif. Hallelujah. Amen. But to grow. Mais pour grandir. To grow. Pour grandir. From somebody who fornicates, somebody who not fornicates. De quelqu'un qui fornique à une personne qui ne fornique pas. Is the word of God. C'est la parole de Dieu. And it starts with quiet time. Et ça commence avec le temps de recueillement. Spending time with God. Tu passes du temps avec Dieu. Hallelujah. Amen. Spending time with God. Tu passes du temps avec Dieu. Every day. Tous les jours. Every day. Tous les jours. Every day. Tous les jours. You will be feeding your spirit. Tu vas nourrir ton esprit. Hallelujah. Amen. Because every day you get up, apart from the day that we fast. Parce que tous les jours tu te lèves, à part les jours où on jeûne. Hallelujah. Amen. You eat. Tu vas manger. Don't you eat? Ne manges-tu pas? You eat for your body. Tu manges pour ton corps. Hallelujah. You eat for your body. Tu manges pour ton you corps. Drink for your body. Tu bois pour ton corps. À checker. À checker. Poulet. Poulet. What else? Aloco. Aloco. I like aloco. Pa. J'aime l'aloco. Hallelujah. Sakasaka. Sakasaka. Manioc. Le manioc. Poisson. Poisson. Filet mignon. Oh. Filet mignon. Filet mignon. Oh, it's funny. People, you are too serious. That's why I want you to laugh small. Vous êtes trop sérieux, donc je veux que vous riez un peu. Hallelujah. Are you here? Yeah. So you eat for your body every day. Donc tu manges pour ton corps tous les jours. Every day. Tous les jours. And your spirit also needs to eat every day. Et ton esprit aussi doit manger tous les jours. You see, you've starved your spirit. En tant que affame ton esprit. You have starved your spirit for so long. Tu as affamé ton esprit pour longtemps. Yeah. Your spirit is so weak. Ton esprit est tellement faible. Your spirit is still a baby. Ton esprit est toujours un bébé. Your spirit cannot do anything. Ton esprit ne peut rien faire. Yeah. A lot of our spirits are small babies. La plupart de nos esprits sont petits, sont des bébés. Because no word is coming. Parce qu'aucune parole ne vient. No word is coming. Aucune parole ne vient. Peut-être c'est juste mardi et jeudi où on prêche et c'est tout. And that is not enough. Et c'est pas suffisant. Hallelujah. You need to take the verse. Tu dois prendre le verset. And meditate the verse. Et méditer sur le and verset. And apply the verse to your life. Et appliquer le verset then dans ta vie. Then you see that your spirit will become stronger, growing stronger and stronger. Et donc tu verras que ton esprit va grandir de plus en plus. Hallelujah. Amen. Yeah, we have spiritual babies in the church. Nous avons des bébés spirituels dans l'église. Spiritual babies. Des bébés spirituels. Yeah. Yeah. We need to grow. Nous devons grandir. Wow, I learned something tonight. Apprenez-vous quelque chose? Do you like it? Vous aimez? Do you like it? Vous aimez? Yeah, so this is how you do meditation. Donc c'est comme ça qu'on fait la méditation. Start with prayer. Tu commences avec la prière. And the next thing you do et la chose suivante is to read a passage from the Bible. C'est de lire un passage de la Bible. Expecting God to speak to you. En t'attendant à ce que Dieu te parle. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. We read a passage from the Bible. Tu lis un passage de la Bible. Yeah. And there are different ways to choose a passage. Il y a beaucoup de moyens de choisir un passage. Yeah. You can just take a book in the Bible. Tu peux prendre un livre dans la Bible. How many books makes up a Bible? Combien de livres forment la Bible? 66 books. 66 livres. Genesis, Exodus, the Revelation. De Genèse à Apocalypse. And the Bible is divided into two. Et la Bible est divisée en deux. New Testament and Old Testament. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. How many books are in the New Testament? Combien de livres dans le Nouveau Testament? 27. 27. Minus 66. Moins 66. How many in the Old Testament? Combien dans l'Ancien Testament? 39. 39. 39. In the Old Testament, 66 minus 27. Yeah, 39. That's 66. It's correct. C'est correct. Yeah. Hallelujah. What were you thinking? Tu pensais à quoi? Are you here? You're not here. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, so you take a book. Donc tu prends un livre. Yeah, if you are just a new done it before. Si tu n'as pas encore fait ça. I would suggest that you start with a New Testament. Je vais suggérer que tu commences avec le Nouveau Testament. Choose a book in the New Testament. Choisis un livre dans le Nouveau Testament. You can take Galatians. Tu peux prendre Galates. You can take Ephesians. Tu peux prendre Éphésiens. I recommend Ephesians to everybody. Je vais recommander Éphésiens à tout le monde. Yeah, Ephesians. Éphésiens. It will teach you, learn a lot of things about how to live as a Christian. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur comment vivre en tant que chrétien. Don't steal. Be angry. Don't let the sun go down on your anger. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Pardonne. Be strong. Sois fort. Yeah. The armor of God. L'armure de Dieu. Yeah. Hallelujah. Amen. So you can choose John. Donc je peux prendre Jean. You can choose Matthew. Prendre Matthieu. You can choose Mark. Je peux prendre Marc. You can choose Philippians. Je peux prendre Philippiens. You can choose 1 Corinthians or 2 Corinthians. Je peux prendre 1 Corinthien ou 2 Corinthiens. Je peux prendre Romain. Hallelujah. Amen. Yeah, that's a book. C'est un livre. And you start. Et tu commences. Chapter 1, verse 1. Chapitre 1, verset 1. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, so you read it. Donc tu lis. Read it. Tu lis. You don't need to read the whole chapter. Tu n'as pas besoin de lire tout le chapitre. Hallelujah. 1, 2, 3, 4 verses. 1, 2, 3, 4 versets. Unless it's a story. À moins que ce soit une histoire. Or a parable. Ou une parabole. Hallelujah. Amen. If it's a parable, you want to read all the parable. Si c'est une parabole, tu dois lire toute la parabole. Amen. Amen. Are you here? Yeah, but as you are reading. Mais alors que tu lis. You are, some scriptures or some verses attracts you. Il y a certains versets qui vont t'attirer. And that's where you do your meditation on. Et c'est de là où tu fais ta méditation. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah, so your meditation is not on the whole chapter. Donc ta méditation c'est pas sur tout le chapitre. On one verse or two verses. C'est sur un ou deux versets. Yeah. Because sometimes just a word. Parce que parfois juste un mot. Just a word. God can use a word to change your life. Dieu peut utiliser un mot pour changer ta vie. Just a word in a verse. Juste un mot dans un verset. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. You choose a passage, you read it. Donc tu choisis un passage, tu lis. Hallelujah. Then that the third thing you need to do. La troisième chose à faire. Is to meditate. C'est méditer. Think through and soberly reflect on what you read. Réfléchissez sérieusement à ce que vous avez lu. Hallelujah. Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2 Timothée 2 7. Are we going to do a 5-5? Allons nous faire le temps de méditation. 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2 Timothée 2 7. The Bible says, consider what I say and the Lord give thee understanding in all things. Il dit, considère ce que je dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Hallelujah. Consider what I say. Considère ce que je dis. And the Lord give thee understanding in all things. Et le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Hallelujah. That word consider. Ce mot considère. Consider. Considère. What does it mean? Consider. What does it mean? Considérer veut dire quoi? Consider. Considérer. Okay. What else? penser profondément. Yeah, don't just read it. Just look carefully. Juste lis avec attention. Carefully. Méticuleusement. Okay. Yeah. Consider what I say. So, as you read, you are taking notes. Donc, alors que tu lis, tu prends des notes. Yeah. So to meditate, start with this. Donc, méditer commence avec ça. Yeah. So meditate, you think deeply, think through. Réfléchis sérieusement à ce que tu as lu. Okay. So you read the passage slowly. Donc tu lis le passage lentement. You can read so many times. Tu peux lire plusieurs fois. Hallelujah. Yeah. Okay. And you stop at verses or a verse that strike you. Et tu t'arrêtes à un verset qui te frappe. Hallelujah. And then think about it. Et tu réfléchis dessus. And look for the meaning of some of the words. Et cherche la définition de certains mots. Hallelujah. Sometimes you need to set the dictionary. Parfois tu dois chercher fouiller dans le dictionnaire. And as you look at the meaning of a word. Et alors que tu vois la signification du mot. You will learn things that you haven't thought about. Tu vas apprendre des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Yeah. And don't forget that the Holy Spirit is there. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit est là. Hallelujah. Mm. As you pray, the Holy Spirit be there to teach, because the Holy Spirit is our teacher. Et alors que tu pries, le Saint-Esprit sera là pour t'enseigner, parce que c'est notre enseignant. Is there to guide us into the truth. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. So as you are doing all that, the Holy Spirit will give you a certain understanding that you didn't have before. Donc alors que tu fais ça, le Saint-Esprit te donne une compréhension que tu n'avais pas. Hallelujah. Amen. Yeah. So as you are reading slowly, donc, and you are thinking about words, looking at the meaning of words. Donc, alors que tu lis doucement et tu cherches la signification des mots. Hallelujah. Amen. Ask the Holy Spirit to, don't forget the Holy Spirit. Ask him to give you understanding. Demande au Saint-Esprit de te donner la compréhension. Hallelujah. Amen. Are you there? Are you there? Êtes-vous là? Yeah. Wow. Wow. Then step 4. Étape 4. The first one is what? La première étape, c'est quoi? Pray. Two is what? Prier. Deuxième. Read the passage from the Bible. Three. Lire le passage de la Bible. Meditate. Four. Méditer. Four is. Et quatre. Quatrième étape. Okay. Four is. Okay. Four is to move into deeper Bible study and make further references to the thing that strike you during your quiet time. C'est de vous lancer dans une étude plus profonde de la Bible et référez-vous de nouveau aux choses qu'ils ont frappées durant vos temps de recueillement. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. So that is it. Donc c'est ça. Grand Steve. We have missed you seriously. We have missed you seriously. Tu nous as beaucoup manqué. Seriously. Sérieusement. You're welcome. Pour de vrai. Tu es from le Togo. Du Togo. Le Togo. Hallelujah. Yeah, so this is a deeper part of your meditation. Donc c'est une partie plus profonde de ta méditation. Yeah, so when you say you are meditating the word. Donc quand tu dis tu médites la parole. It's not anything. It's not usually what we think. C'est pas souvent ce à quoi on pense. Yeah. Not necessarily. Pas nécessairement. Closing your eyes. Fermez tes yeux. You fold your arms. Tu croises les bras. You sit on top of the roof of the building. Tu t'assois sur la toiture du bâtiment. Then you cross your legs. Et tu croises les pieds. Then you are meditating. Et tu médites. Not necessarily. Pas nécessairement. Hallelujah. Amen. Yeah. Meditating, there's a simpler way of meditating that helps you to receive revelation from the word of God. Et une manière plus simple de méditer qui t'aide à recevoir la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah. And what is that? What is that? Et c'est quoi? Okay. It's a number of questions that you ask yourself. C'est un nombre de questions que tu te poses. Okay. Yeah, a number of questions that you ask yourself with regard to that verse. Donc tu te poses certaines questions en rapport avec le verset, en rapport avec le verset. You ask yourself certain questions. Tu te poses certaines questions. And that will make you think deeply. Et ça va t'emmener à penser profondément. Ça va t'aider à vraiment réfléchir sur ce que Hallelujah. Tu lis. Amen. And that's what we call meditation. Et c'est ce qu'on appelle la méditation. You cause yourself to think deeply. Tu t'emmènes à réfléchir profondément, en profondeur. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, so let's look at some of the questions that you need to ask yourself. Donc voyons quelques-unes de ces questions. Okay, the first one. La première. What does this passage or this verse? Qu'est-ce que ce verset? Teach me about the nature of God, the Father. M'enseigne sur la nature de Dieu le Père. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Yeah, so you ask yourself, what does this passage or this verse teach me about the nature of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit? Donc tu te demandes, qu'est-ce que ce passage m'enseigne sur la nature de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Hallelujah. Amen. So as you ask yourself, donc, you alors, begin tu to te think. Demandes, tu vas commencer à réfléchir. Hallelujah. Yeah. Amen. Did you see? Est-ce que vous voyez? Do you see what I'm saying? Est-ce que vous voyez ce que je yeah, veux you dire? Begin to think about it. Tu commences à réfléchir. And the Holy Spirit will help you. Et le Saint-Esprit va t'aider. To learn about the nature of God. À apprendre sur la nature de Dieu. Hallelujah. Amen. For example, if you take the Exodus chapter 34 verse 6. Par exemple, si on prend Exode 34 verset 6. That we read. Que nous avons lu. Hallelujah. Amen. Yeah. It said the Lord God passed by him and proclaimed the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands and forgiving iniquity and transgression and sin, and thou would by no means clear the iniquity. Wow. Exode 34, verset 6. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur Dieu, compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. Alléluia. Amen. Yeah. This is the nature. He's just describing himself. The God told Moses. Donc il est en train de se décrire parce qu'on dit Dieu a dit à Moïse. Few scriptures that we have in the Bible where God himself said something. Ah, c'est l'un des rares versets dans la Bible où Dieu lui-même a dit quelque chose. Hallelujah. Amen. It's so clear, direct. C'est describing direct. Who he is. Il est en train de décrire qui il est. Hallelujah. Amen. So if it is scripture that you are using to do your quiet time, you see that you learn the nature of God. Donc si tu utilises ce verset pour faire ton temps de méditation, tu vas apprendre la nature de Dieu. Hallelujah. Amen. And the second question that you need to ask yourself. Et la deuxième question à se poser. Is there a promise for me to believe? Y a-t-il une promesse que je puisse croire? And to claim. Et proclamer. Taking careful note of any condition attached to it. En notant soigneusement les conditions qui y sont attachées. Because the promises of God, there are conditions attached to them. Parce qu'il y a des conditions attachées aux promesses de Dieu. Hallelujah. Amen. Yes, when you do this, then you get this. Quand tu fais ça, tu auras ça. You behave this way, then this thing happens to you. Tu te comportes comme ça, donc ceci va t'arriver. Hallelujah. So there are conditions attached to them. Donc il y a des conditions attachées. And the next question, the third question you ask yourself as you meditate. Et la troisième question à se poser pendant la is méditation. Is there a command for me to obey? Y a-t-il un commandement auquel je dois obéir? Or a good example for me to follow? Ou un bon exemple à suivre? Hallelujah. Amen. You see that you are actually learning. God is as you meditate and you are asking those questions. You are meditating. Donc tu vois qu'alors que tu te poses ces questions, tu es en train de méditer. God takes your mind to things that you will not think about. Dieu emmène tes pensées sur des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Yeah, because we just read. You say, oh, I'm reading my Bible. Just read it. Parce qu'on dit, oh, je lis ma Bible et nous lisons simplement. Okay, I've done my meditation. I've meditated the Word of God. Donc tu vas dire, oh, donc j'ai fait ma méditation. But you didn't receive anything. Mais tu n'as rien reçu. But as you ask the question. Mais alors que tu te poses la question, the of God, tu apprends sur la nature de Dieu, of God. Sur les promesses de That's Dieu. Why you can come and say, oh, God showed me something. Voilà pourquoi tu peux venir dire, Dieu m'a montré quelque chose. Yeah. Today we are in church, Christian, but we don't make reference to what God has told us. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes à l'église, mais on ne se réfère pas à ce que Dieu nous a dit. Yeah. We don't share, because we don't do our quiet time, we don't even share it. parce que nous ne faisons pas nos temps de recueillement, nous we ne les partageons même pas. Nous n'avons Amen. Rien à partager. Alléluia. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. So, is there a command to obey or a good example to follow? Y a-t-il une commande à obéir ou un bon exemple à suivre? Is there the next question? Is there a warning for me to heed or a bad example for me to avoid? Question suivante. Y a-t-il un avertissement auquel je dois prêter attention ou un mauvais exemple que je dois éviter? Yeah, the Bible is full of good example and bad example. La Bible est remplie de bons et de mauvais exemples. That's why the Bible is so fantastic. Voilà pourquoi la Bible est tellement fantastique. You see, people, the life, every part, every side of the life of people in the Bible. Dans la Bible, tu vois tous les côtés de la vie des êtres humains dans la Bible. Yeah, you see the good side and the bad side. Tu vois les bons côtés et les mauvais côtés. You have an example, a good example, a bad example Donc, in the Bible. Tu auras de bons exemples et de mauvais exemples dans la Bible. Because if you are writing your biography, parce que si tu écris ta biographie, you will not write about bad things that you've done. Tu ne vas pas écrire les mauvaises choses que tu as faites. You think about it. Tu ne vas même pas. You add it. Tu ne vas pas ajouter ça. Yeah, but the Bible, you see people, then you see their life, the good side of their life, and the bad side, the sin that they committed, what God did to them, even the people of Israel, they sinned against God, they didn't obey, and God led them into captivity, and they were taken as slaves, they worked hard, and God, they prayed to God, God delivered them, they came back. Oh, dans la Bible, on montre les mauvais côtés et les bons côtés des personnes, les péchés qu'ils ont faits, même le peuple d'Israël, on voit comment ils ont péché contre Dieu, et Dieu les a envoyés en captivité, ils ont prié Dieu, et Dieu les a délivrés encore. Alléluia. Amen. Yeah, so there are good examples and there are bad examples. Donc, il y a de bons exemples et and de mauvais exemples. And Bible says that those things are written for us as an example for us to follow or to avoid. Et donc, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour que nous puissions apprendre de cela. Alléluia. Yeah, so the next question is there a prayer for me to pray? Donc, la question suivante, c'est, y a-t-il une prière que je dois faire ou me rappeler? Hallelujah. Amen. Yeah, and as we started, I've shown you only about two or three scriptures about prayer already. Et alors, comme nous avons commencé, je vous ai déjà montré deux à trois versets sur la prière. Yeah, there are a lot of prayers in the Bible. Il y a beaucoup de prières dans la Bible. That we can learn and we can use for ourselves. Que nous pouvons apprendre et utiliser pour nous-mêmes. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, and then a last question I want to ask. Et une dernière question que je veux demander. You need to ask yourself, que tu dois te poser. How can I apply this verse to my life? Comment puis-je appliquer ce verset dans ma vie? Practically. Pratiquement. Hallelujah. People don't really are not practical. Parce que quand on dit pratiquement, parce que parfois des gens ne sont pas pratiques. Hallelujah. So you need to think about your situation. Donc tu dois penser à ta situation. What is in your life now? Qu'est-ce qui est dans ta vie maintenant? That you can take what you've learned today and apply it to your life that will benefit you. Et que tu peux prendre ce que tu as appris aujourd'hui et l'appliquer dans ta vie de manière à ce que ça te bénéficie. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, when I say practical, because most of you read the Bible. Then you give some. No, you say okay. Bible says that. I don't even know examples that I give, but you give things that you cannot even apply them now in your life. Quand je parle de pratique, c'est parce que il y a certains d'entre vous lisez la Bible et vous donnez des choses que vous ne pouvez même pas appliquer dans votre vie maintenant. You see that the word of God will not benefit you. Tu vas voir que la parole ne va pas te bénéficier. Hallelujah. Amen. So it's a prayer. It should be part of the prayer that you pray that whatever God will tell you today. Donc, dans ta prière, tu dois te dire tout ce que Dieu me dira aujourd'hui. It should be something that I can apply to my life. Ça doit être quelque chose que je peux appliquer dans ma vie. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. For example, if you read a scripture and it talks about maybe forgiveness. Par exemple, si tu lis un verset qui parle du pardon. You can't say that, okay, God said we should forgive ourselves, so we are going to forgive ourselves. And the Bible says that we should forgive ourselves. Then talk about generally. No. Donc tu peux pas dire, oh, la Bible dit qu'on doit se pardonner, donc on doit se pardonner parce que la Bible parle du pardon. No. No. You should now begin to see who are the people that I need to forgive. Tu dois maintenant commencer à voir quelles sont les personnes que je dois pardonner pratiquement. Yeah. So that's the practical side of the Bible. Donc ça, c'est la partie pratique de la Bible. If you can't do that, then it means that it will not benefit you. Si tu ne peux pas faire ça, ça veut dire que le verset ne va James pas te bénéficier. James chapter 1. Jacques chapitre 1. James chapter 1. Jacques chapitre 1. Verse 22. Verset 22. Yeah. James chapter 1. Jacques chapitre 1. The Bible says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself, your own self. For if any be a hearer of the word and not a doer, is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth away and straightway forgetteth what manner of man he is. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, continue therein, he being not a forgetter or forgetful hearer, but a doer of the word, a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Yeah. So we need to be doers of the word. Donc, on doit mettre en pratique la parole. So whatever God tells you, do it. Donc, tout ce que Dieu te dit, fais-le. So the next step is to write down what God tells you. L'étape suivante, c'est d'écrire ce que Dieu te dit. Hallelujah. Amen. That's why the notebook is very important. Voilà pourquoi un carnet est très important. Because we can easily forget. Parce qu'on peut facilement oublier. Yeah, we can easily forget. On peut facilement oublier. And the last one. Et le dernier. Is to pray. Okay, pray about what God has told you. C'est de prier sur ce que Dieu t'a dit. Hallelujah. Amen. And listen to the Holy Spirit. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Yeah, because the Holy Spirit is there to lead us. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous diriger. So in all the meditation, your question that you ask. Donc toutes les méditations et les questions. The Holy Spirit will be speaking to you. Le Saint-Esprit va te parler. And all those things that he tells you. Et toutes ces choses qu'il te dit. Write them. Écris-les. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Can we do it? Pouvons-nous le faire? Can we do our quiet time? Pouvons-nous faire notre temps de What's méditation? The first step? Quelle est la première étape? Pray. Prier. Second one. Deuxième. Read a passage. Lire un passage. Third one. Troisième. Meditate. Méditer. And the fourth one. Quatrième. The fourth one is what? Move into deeper meditation. Faire une méditation profonde. By doing what? En faisant quoi? By asking yourself questions. En te posant des questions. And the next one is what? Le suivant. Write down. Écrire. No, I'm not talking about the questions. Je ne parle pas des questions. How can I apply? It's part of the question, meditation. To write down what the Lord tells you. Écrire ce que le Seigneur t'a dit. And the last one. Et le dernier. Pray to end. Prie pour terminer. And listen to the voice of the Holy et Spirit. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Can we follow these simple steps and do our quiet time every day? Pouvons-nous suivre ces étapes et faire notre méditation tous les jours? Est-ce que c'est possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Next week we'll take an example. La semaine prochaine, nous allons prendre un exemple. Because now we need to pray now. Parce que maintenant nous devons prier. We need to pray. Hallelujah. Amen. So next week when we come. Donc la semaine prochaine quand nous venons. We are going to take a verse. Nous allons prendre un verset. Or two verses. Ou deux versets. Then we do practical quiet time. Et nous allons faire un temps de recueillement pratique. Yeah. Pratiquement. But don't wait for next week. Because you have the steps already. Start. Mais n'attendez pas la semaine prochaine. Come, it will help you to know where you need to improve on. Yeah. Donc commencez déjà et quand on va venir, ça va vous aider à voir où vous devez vous améliorer. Alléluia. Amen. Is it a good idea? Est-ce une bonne idée? Are you happy? Êtes-vous content? Close your eyes. Fermez les yeux. Pray Psalm 119 verse 18. Prie selon Psaume 119 verset 18. Open thou my eyes. Ouvre mes yeux. That I may behold wondrous things out of thy law. Que je contemple les merveilles de ta parole. Pray that God should open your eyes. Prie que Dieu ouvre tes yeux. Your understanding. Ton intelligence. The eyes of your heart. Les yeux de ton cœur. Pray that God will give you a spirit of revelation. Prie que Dieu te donne l'esprit de révélation. A spirit of wisdom. Un esprit de sagesse. That you may know. Que tu connaisses. What is the hope of your His glory. Quelle est l'espérance de sa gloire? What is your inheritance in Him? Quel est ton héritage en lui? And what is the greatness of God's power? Et quelle est la grandeur de la puissance de Dieu? Available to you. Qui est disponible Pray pour that toi? God will give you Prie que Dieu te donne that understanding cette compréhension and that revelation et cette révélation. That God will open your eyes to see que Dieu ouvre tes yeux pour voir wondrous things les choses merveilleuses out of the Bible, de la Bible, out of His word, de sa parole, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Pray that God will open your eyes Prie que Dieu ouvre tes yeux and give you understanding et te donne la compréhension of God's power, de la puissance de Dieu, the power of the Holy Spirit, la puissance du Saint-Esprit, qui est capable de faire des exploits, able to create and to break, qui est capable de créer et de briser, able to resurrect, qui est capable de ressusciter things that are dead in our life. Des choses qui sont mortes dans nos vies. Pray, Father, we thank Prie. You. We bless you. We honor you, Lord. Give us understanding as we study. Give us understanding as we study. Lord, I pray that, Father, the word of God will be sweet. Sweeter than honey in our mouth, Lord. That as we go home, we will not despise, but we will love reading your word. We will love meditating. We will love spending time with you alone in our homes, in our rooms, in the name of Jesus Christ. Father, thank you. Thank you for wisdom. Thank you for your word in the name of Jesus. Father, we bless you and we thank you. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. Can we do what I want to do? Est-ce qu'on peut faire ce que je veux faire? Can we do what I want to do? Pouvons-nous faire ce que je veux faire? Hallelujah. I want to pray. Nous voulons prier. Yeah, last week we started praying. La semaine passée, nous avons commencé said, à prier. Every Thursday we pray, we spend some few hours, few minutes. Et je dis chaque jeudi, nous allons passer quelques minutes. 5-10 minutes to pray for the Holy Spirit. Quelques minutes pour prier pour le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Yeah, we'll pray that God will baptize us with the Holy Spirit. Nous allons prier que Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. But I didn't ask you to stand. So you're standing. Okay. Hallelujah. Amen. Yeah, last week I was saying that, sit down, just sit down. Asseyez-vous. Okay, in Acts chapter 1 verse 5, the Bible says that God promised the Holy Spirit. Dans Acte 1, 5, la Bible dit que Dieu a promis le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. So it's a promise to all of us. Donc c'est une promesse pour nous tous. And it's a gift that all of us need. Et c'est un don dont nous avons tous besoin. Yeah, to have the baptism of the Holy Spirit. Pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Are you there? And the initial sign that shows by speaking in tongues. Et les signes de départ qui montrent que tu parles en langue. Hallelujah. Yeah, and I was saying that the Bible says in 1 Corinthians that it's when you speak in tongues, you speak mysteries. La Bible dit dans 1 Corinthiens que quand tu parles en langue, tu dis des mystères. Nobody understands. Personne ne te comprend. Only God. Seulement Dieu. Yeah, and that makes it mysterious. Et c'est ce qui rend ça mystérieux. Yeah, it's mysterious because there are a lot of mysteries around us. C'est mystérieux parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de nous. That we don't know about. Que nous ne connaissons pas. We don't understand. Que nous ne comprenons pas. Hallelujah. Amen. So you need a divine mystery. Donc tu as besoin d'un mystère divin. To be able to take care of the mysterious things that are happening in your life. Pour pouvoir se charger des choses mystérieuses qui se passent dans ta vie. Hallelujah. Amen. So if a demon is following you. Donc, si un démon te poursuit, you will not know that a demon is following you. Tu ne sauras pas qu'un démon te suit. Peut-être certains d'entre vous êtes venus ici et il y avait un démon qui vous suivait. But you didn't know. Mais tu ne savais pas. Même certains, il vous a suivi et vous êtes assis à côté. Enfin, il est assis à côté de vous. But you don't know. Mais tu ne sais pas. That's mysterious. C'est mystérieux. So now you begin to speak in tongues. Donc là, tu commences à parler en langue. And employ that power. Et tu utilises cette puissance. Of God. De Dieu. To overcome these things. Pour surmonter ces choses. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah, there are a lot of mysterious things that are happening in life. You don't know. Il y a beaucoup de choses mystérieuses qui se passent autour Some de of nous. You, they are having meetings. Certains de vous, il y a des réunions qui se font. Meetings. Des réunions. In your hometown. Dans ton village, ton pays. Against your stay in Accra, but you don't know. Contre ton séjour à Accra, mais tu ne sais pas. Yeah. Yeah. That's why tongues are mysterious. Voilà pourquoi les langues sont mystérieuses. That's why you don't understand it. Voilà pourquoi tu ne comprends pas ça. And you don't need to understand. Et tu n'as même pas besoin de comprendre. And as you begin to speak in tongues. Mais alors que tu commences à parler en langue, there will be confusion in that meeting. Yeah. Il y aura des confusions dans cette réunion. And they will begin to fight themselves. Et ils vont commencer à se battre entre eux. And they will forget that you are in Accra. Et ils vont oublier que tu es à Accra. Amen. They will forget. Ils vont oublier. So if you are a Christian that you don't pray. Donc si tu es un chrétien et tu ne pries pas. There are a lot of me who oh me, I don't pray in tongues, I don't pray, I'm praying my own language. Il y a beaucoup qui disent oh moi je ne peux pas prier en langue. Je vais prier dans ma propre langue. Mais they understand. It's not bad to speak. I mean, of course, we pray in our own language. C'est pas mauvais de prier dans notre propre langue. And we pray in tongues also. Mais nous prions en langue aussi. Hallelujah. Amen. Yeah. But there are a lot of things that the enemy knows about you. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi connaît sur toi. Yeah. So sometimes you just have to speak in tongues that he will not understand anything. Donc parfois tu as juste besoin de prier en langue et il va rien comprendre. Hallelujah. Amen. Yeah, because we have a God which is a spirit. Parce qu'on a un Dieu qui est esprit. And we have a world in a world, a spiritual world. Et il existe un domaine spirituel. Hallelujah. There are things happening there. Il y a des choses qui se passent là-bas. There are horses. Il y a there are horses. Il y a des chevaux. There are serpents. There are snakes. Il y a des serpents. There are frogs. Il y a des crapauds. There are monkeys. Il y a des singes. That are there. Qui sont là-bas. Sometimes they send those things to torment us. Et parfois ils envoient ces choses pour nous tourmenter. Hey, so how will you know? You don't know. Donc comment sauras-tu? Yeah. One of the bishops said he was sleeping in a hotel room. Un jour l'évêque dit il dormait dans une chambre d'hôtel. And God opened his eyes. Et Dieu a ouvert ses yeux. And when he opened his eyes, the ceiling was open. Et quand il a ouvert ses yeux, le plafond s'est ouvert. In the realm of the spirit. Dans le domaine de l'esprit. Not physically. Pas physiquement. Then he saw monkeys. Et il a vu des singes. Yeah. Then he was saying that, oh, the time that he was staying there, he was feeling restless, right? Something, he wasn't himself. Et il disait que le temps qu'il était à l'hôtel là-bas, il se sentait tourmenté, il n'était pas lui-même. Yeah. And God opened his eyes to see that, this is the reason. Et Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voie la raison. Yeah. Hallelujah. Are you here? Yeah, so when you're speaking in tongues and people are laughing at you. Donc, quand tu parles en langue et les gens se moquent de toi, laisse-les rigoler. Yeah. And those who are, you are shy to speak in tongues. Et ceux qui ont honte de parler en langue. You don't know what's happening in the spiritual realm. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. Yeah. And when you speak in tongues, I'll just read some few things for you. When you speak in tongues. Donc, quand tu parles en langue. It edifies you. Ça t'édifie. It builds you up. Ça te construit. You become stronger. Tu deviens plus fort. Yeah, because when I was coming to work, quand je revenais du travail, I was feeling tired and exhausted. J'étais fatigué et épuisé. Yeah. But there were some few minutes that I begin to pray and speak in tongues. I felt power has come. Et mais les quelques minutes que j'ai prié en langue, la puissance est revenue. But even when I was walking, I was like, même quand je marchais, j'étais, je suis fatigué. But there's power. I can stay till the next day. Mais à la puissance là, je peux rester jusqu'au lendemain. Yeah. And when you speak in tongues, it reminds you with His indwelling presence. Et quand tu parles en langue, ça te rappelle qu'il vit en toi. Yeah. That's because you know that the Holy Spirit is there. Donc tu sais que le Saint-Esprit est là. We are the temple of the Holy Spirit. Parce que la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Yeah, it helps you to pray exactly according to the will of God. Ça t'aide à prier exactement selon la volonté de Hallelujah. Dieu. Hallelujah. Amen. If you don't know the will of God for your life, si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta just vie, just begin to pray in tongues. Juste commence à parler en langue. You will be praying the will of God. Tu vas prier dans la volonté Pastor, de Dieu. Because when you pray in tongues, the Holy Spirit directs your prayer. Parce que quand tu pries en langue, le Saint-Esprit dirige ta prière. So it directs your prayer into the will of God. Yeah. Il dirige ta prière what's dans the la volonté will of God de Dieu. For you now? Quelle est la volonté de Dieu what pour toi maintenant? Now? Qu'est-ce qui est nécessaire maintenant? You get what I mean? Est-ce que vous comprenez? Because as you sit there, you don't know what is important now. Parce que alors que tu es assis là, tu ne sais pas qu'est-ce qui est important maintenant. You are thinking about something, but it's not that. Tu penses à quelque chose, mais c'est pas ça. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So you see that whole thing, oh, is this one? So you are doing that thing, and it's not working. Things are not changing. Tu vas penser que c'est ça, et tu vas travailler dessus, et ça va même pas changer. C'est carrément quelque chose d'autre. As you pray in tongues, the Holy Spirit directs. Alors que tu pries en langue, but now it's not you praying. Parce que maintenant, c'est pas toi qui prie. It's the Spirit that's connected to the Holy Spirit to pray. Yeah. C'est ton esprit qui se connecte au Saint-Esprit pour prier. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. You must pray in tongues. Tu dois prier en langue. You must every day get up. Tous les jours en te levant, tu pries en langue. Oh. You sit down there and say, you pray in tongues. Reste là, et ne prie pas en langue. Stimulate your faith. Ça stimule ta foi. It keeps you free from worldly communication. Ça te garde des conversations mondaines. Yeah, because you can't be praying in tongues and be saying certain things. Donc, parce que tu peux pas prier en langue et dire certaines choses. It enables you to pray for the unknown. Ça t'aide à prier pour l'inconnu. Unknown, there are things that you don't know about. Il y a des choses dont tu n'as pas connaissance. Yeah. It gives you spiritual refreshment. Ça te donne un rafraîchissement it helps spirituel. You to give thanks well. Ça t'aide à bien remercier it Dieu. Helps you to bring your tongue under subjection. Ça t'aide à emmener ta langue sous contrôle. Alléluia. Are you here? Yeah, all these things, they are scriptures in the Bible. What Et I'm telling you. Tout ce que je dis là, c'est dans la Bible. Ce sont des just versets. That we don't have time to go into them. C'est juste que je n'ai pas le temps de les lire. Alléluia. Amen. Amen. So we're going to pray. Donc nous allons prier. Just for some few minutes. Juste pour quelques minutes. 5-10 minutes. 5-10 minutes. So stand to your feet. Donc levez-vous. Alléluia. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur. Oh, d'abord, l'état. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, prends-moi. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Descends, on a besoin de toi. To baptize you tonight. De te baptiser ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, les bros, c'est les mamas, c'est les mamas. Allez, bros, c'est les mamas, calabros, c'est les mamas, c'est les mamas, c'est les mamas. Et que les mamas, c'est les mamas, calabros, c'est les mamas, calabros, c'est les mamas, c'est les mamas. Et que les mamas, c'est les mamas, calabros, c'est les mamas, c'est les mamas, c'est les mamas. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come and fill us once again. Ekele mabro sele mama na mama kala mabro sele mama na mama. Ekele mama na mama kala mabro sele mama na mama kala mama. Ekele mama na mama kama mama na mama mama ekele mama na mama na mama. Ekele mama na mama kama mama na mama kama mama na mama kama mama na mama. Ekele mabro sele mama kala mabro sele mama. Oh, speak mysteries, speak mysteries, speak mysteries. Ale bro sele mama na mama kala mabro. Ekele mama na mama kala shambro sele mele mele. Ekele mama na mama kala mama na mama. Ekele mabro sele mama kala mabro sele mama. Ekele mabro sele mele mele mele. Ekele mama na mama kala mabro sele mama na mama. Ekele mama na mama kala mabro sele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele. Ekele mabro sele mama na mama kala mama na mama. Ekele mama na mama kala mama na mama. Oh, le bro se le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe. Ah, it's a promise, it's a promise, it's a promise. You receive it, you receive it. You receive it. You receive it. Christ will baptize you tonight. Christ will baptize you tonight with the baptism of the Holy Spirit. And you receive that power. You receive that gift. And you begin to speak another language that nobody understands. Oh, in the name of Jesus, Lord, I pray for them. Lord, touch them. Lord, touch them. Lord, anoint them. In the name of Jesus Christ, anoint them. Oh, baptize them in the name of Jesus. Ikele bro sele bebe bebe. Etele bro sele ba kala bro sele ba. Oh, if you don't speak in tongues, ask the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to baptize you. Demande au Saint-Esprit de baptiser. Demande-lui de remplir de cette onction. Au nom de Jésus. And begin to speak. Et commence à believe parler. And begin to speak. Et commence à parler. Believe and begin to speak. Crois et commence à parler. Begin to speak. Commence à you parler. Receive an impression on your heart. Tu vas recevoir une impression. You receive an impression on your heart. Une impression dans ton that cœur. You should speak something. Que tu dois parler quelque chose. Something. Ou que tu veux dire quelque chose. Understand. Que tu ne comprends pas. Begin to say. Commence à dire. Begin to say. Commence à dire ça. Begin to say. Commence à parler. The Holy Spirit will give you. La parole. And you will speak in the name of Jesus Christ. I celebro cele baba cele shambo. Am celebro cele bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe. I celebro cele bebe bebe bebe bebe. I celebro cele bebe bebe bebe bebe bebe bebe. I celebro cele bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe. I celebro cele bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe. You receive reflection. You receive refreshing. Those who are weak, you receive strength. You receive strength. You receive strength in the name of Jesus Christ. Ah, begin to speak mysteries. Begin to speak mysteries. The devil does not understand. Begin to speak confusion into the camp of the enemy. In the name of Jesus Christ, begin to speak confusion into the camp of the enemy. In the name of Jesus Christ, begin to take control of the atmosphere. Begin to take control. Ale bro se le va, calama bro se le va va. Ante le bro se le bebe que le samba. I feel the presence. I feel the presence of the Holy Spirit now. It is here now. It is here now. Yield yourself. Yield yourself. Yield yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself. Give yourself yourself now to the Holy Spirit. Give yourself now. Don't be logical. Don't be logical. Ne sois pas logique. In your mind, don't be logical. Ne sois pas logique. Ah, you will not understand it. Don't ask questions. Ah, le bros, le bébé, que le mabros, le bébé, le bébé. Yeah, que le mabros, le baba, que le chambro. Yeah, que le mabros, le baba, que le mabros, le bébé. Yeah, que le mabros, le bébé, le bébé, que le bébé, le bébé. Yeah, que le mabros, le bébé, que le bébé, le bébé. Ah, I feel the presence of God. It is here. Il est là. Il est là. Il va toucher. Il va toucher maintenant. Il va toucher tes lèvres. Il va toucher tes lèvres. Et tu commences à parler. In the name of Jesus Christ. Do not think about your neighbor. Do not think about your neighbor. Do not be shy. Ah, les bros, c'est les mamans, que les chambres. Yeah, que les bros, c'est les mamans, que les mamans, c'est les bébés, les bébés. Yeah, que les mamans, c'est les mamans, que les mamans, les mamans. Yeah, que les mamans, c'est les bébés, que les bébés, les bébés. Yeah, que les mamans, c'est les bébés, que les bébés, les bébés. Receive the power of the Holy Spirit. Receive that power in the name of Jesus Christ. Yeah, que les mamans, c'est les mamans, que les mamans. Yeah, que les mamans, c'est les bébés, que les bébés, les bébés. Yeah, que les mamans, c'est les mamans, que les mamans. Receive that power now in the name of Jesus. Receive that power. Receive that anointing. Ah, les beaux, c'est beau, les beaux, les beaux, les beaux. If you don't speak in tongues and you decide, come. Si tu veux, si tu ne parles pas en langue et tu veux parler en langue, viens. If you don't speak in tongues and you want to receive the baptism, come. Si tu ne parles pas en langue et tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, viens. If you don't speak in tongues, come. Si tu ne parles pas en langue, viens. I give myself away. Je me donne tout à toi. Je donne tout à toi. Sers-toi de moi. Ma vie n'est pas à moi. Je ton devant. Dis après moi, Seigneur, je te remercie. Que tu as envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Je crois en lui. Ce soir, je lui donne ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton baptême. J'ai besoin de ton baptême. Seigneur. Seigneur. Baptise-moi. Baptise. Je désire. Je désire. Ce don. Ce don. De parler en langue. De parler en langue. Et je prie. Et je prie. Que tu me donnes ce don. Que tu me donnes ce don. Et tu me baptises. Que tu me baptises. Lève les mains. Dis, baptise-moi. Baptise-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux continuer à remercier le Seigneur? Remercie le Seigneur. Il va te baptiser tout de suite. C'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Oh les beaux céléba calabro. Lembo seleba calabro seleba calabro. Ante lebro seleba calamabro seleba malababa. Yekele mama le mama calamabro seleba malababa. Akele mabro seleba mama calamabro seleba bebe. Yekele mama la mama calamabra seleba mama calamabro seleba malababa. Yekele mama la mama malababa kamabra la mama kamabra la mama kamabra la mama. Ante lebra seleba mama kamabra la mama kamabra la mama kamabra la mama. Demande au Saint-Esprit. Demande qu'il te baptise. Demande. Prie et demande. Prie et demande. Prie et demande. Brosse les baba, kele mama, le mama, le mama, le mama. Yekele mama, la mama, kalama, brosse les mama, la mama. Oh, les beaux, c'est les mama, kalama, brosse les mama, la mama. Oh, Lord, touch your lips. Release, release the power. Release the power, release the power. In the name of Jesus. Bro, c'est les mamas, qu'est les mamas, le bébé. Et que les mamas, la mama, comme maman, la mama, comme maman, la mama. Et que les mamas, la mama, comme maman, la mama, comme maman, la mama. Oh, Holy Spirit, come upon him. Holy Spirit, come upon him. Come upon him in the name of Jesus. Bro, c'est les bébés, le bébé. Et que les mamas, bro, c'est les bébés, que bébé, le bébé, que bébé, le bébé. Et que les bébés, le bébé, que bébé, le bébé, que bébé, le bébé, que bébé, le bébé. Let the river flow. Let it flow. Let it flow now. In the name of Jesus, let it flow. Yekele ma bro sele bebe ke bebe le bebe. Yekele bro sele bebe ke le bro sele bebe ke le bro. Let it come from his belly and flow like a river. In the name of Jesus, bro sele bebe ke bebe le bebe. Yekele bebe le bebe ke bebe le bebe ke bebe le bebe. Ele bebe le bebe ke bebe le bebe. Give him the utterance. The utterance. The utterance. Receive, receive, receive, receive, reçois, reçois le parler en langue, reçois cette langage. Ya telebro seleba, kelebro selebebe, kele shambo. A telebro selebebe, kebebe le bebe. Yelebro selebaba, kele mabro selebebe, kebebe le bebe. Yekelebebe le bebe, kebebe le bebe, kebebe le bebe. A lebro selebaba, kele mabro. A lebro selebebe, kebebe le bebe. Reçois ce don, reçois ce don, reçois cette puissance. Ah, les beaux, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Y'a que les mambros, c'est les mamas, que les mambros, c'est les bébés, les bébés. Y'a que les bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Ante les mambros, c'est les mamas, que les mambros, c'est les bébés, les bébés. Y'a que les mambros, c'est les mamas, que les mamas, les mamas. Ah, les beaux, c'est beau, les beaux, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Y'a que les beaux, les beaux, les beaux, les beaux, les beaux. Ah, les bros, c'est les babas, c'est les mabros. Ah, c'est ça, ce que tu veux dire, c'est ça. Ce que tu veux dire, que tu ne comprends pas, c'est ça. c'est ça, brosser les babas, continue, continue, brosser les bébés, que bébé les bébés, et que les mabros, c'est les babas, que les mabros, les bébés, les bébés, et que les mabros, c'est les bébés, que bébé les bébés, ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. C'est ça, bro, c'est les babas, qu'elle est ma bro. Y'a qu'elle est ma bro, c'est les bébés, qu'elle est le bébé. Y'a qu'elle est bébé, le bébé, qu'elle est bébé, qu'elle est le bébé. Y'a qu'elle est ma bro, c'est les babas, qu'elle est ma bro, la baba. Reçois ce temps. Reçois ce temps. Reçois ce temps. Y'a qu'elle est ma bro, les babas, qu'à la chambre. Y'a qu'elle est baba, les calabas, bro, c'est les babas. Y'a qu'elle est ma bro, c'est les bébés, le bébé. Ah, que ta puissance brise cette barrière. Que ta puissance brise cette barrière. Et bon, c'est les bas, calamabro, c'est les bébés, qu'elle est ma bon. Ah, les bons, c'est les bébés. Ah, par la puissance du Saint-Esprit, je brise cette barrière. Ah, les bas, les babas, qu'elle est ma bon, c'est les babas, qu'elle est ma bon. Et qu'elle est ma bro, c'est les bébés. Et qu'elle est ma bro, c'est les babas, qu'elle est ma bon, la baba. Ah, les bons. Reçois cette puissance. Reçois ce temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les bros, c'est les babas. Que les mabros, c'est les mabras, la baba. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Est-ce que vous pouvez lever les mains? Lever les mains, remercier le Seigneur. Et que les mabas, les babas, kalashambo. Et que les mabros, c'est les babas, la baba. Et que les mabros, c'est les babas, la baba. Et que les mabros, c'est les bébés. Et que les mabros, c'est les babas. Et que les mabros, c'est les babas. Ah Seigneur, que cette rivière coule. Coule. Cool, bro, c'est les babas, qu'elle est ma bro, c'est les bébés. Et qu'elle est bro, c'est les bébés. Ante les ma bro, c'est les babas, qu'elle est ma bro, la baba. Et qu'elle est ma bro, c'est les bébés. Saint-Esprit descend. Ceux qui sont devant, commencez à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh. Saint-Esprit descend sur nous. Que ta puissance vienne. Que ta puissance vienne. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Viens, change le cœur. Seigneur, je te remercie. Merci pour ce don. Merci pour ceux qui ont reçu. Continue à prier. Si tu as reçu, continue à prier alors. Prier dans cette langue. Oh les babas, kalashambo. Les bébés, kalabo le baba. Yaka, la bala, kalasama. Basse, bosse, les bas, kalama, bosse, les bébés. Yete, bakala, bosse, les bas, kalate, les bébés. Bosse, bakala, brosse, les bas, kalabro, c'est les bas. Et que les babros, c'est les babas, que les chambos, c'est les bébés. Ah, les babas, calababros, c'est les bébés. Ante les babros, c'est les babas, la baba, calababra la baba. Et que les babas, la baba, calababra la baba, calababra la baba. Ah, les bros, c'est les babas, la baba, calababra la baba, calababra la baba. Et que les babros, c'est les babas, la baba, calababra la baba. Et que les babas, la baba, calababra la baba, calababra la baba. Et ante les babros, c'est les babas, la baba, calababra la baba. Oh Seigneur, merci. Est-ce que tout le monde peut commencer à acclamer? Y'a que les mabas, les babas, c'est la baba, la baba. Y'a que les mabros, c'est les babas, la baba, kababa, la baba. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, allez. Reprends votre place. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Alléluia, est-ce que vous êtes bénis? Fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ta grâce et pour ton amour et pour ton esprit, Seigneur. Merci. Merci. Merci. Les yeux fermés. Si tu es là et tu veux que je prie pour toi, tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas le salut, tu n'as pas pris une décision de donner ta vie à Dieu, tu n'as jamais fait ça. Mais ce soir, tu veux donner ta vie à Dieu. Tu réalises que tu as besoin du Seigneur. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je vais prier avec toi avant de partir. Tu n'as pas le salut. Tu ne veux pas une décision d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et je te donne l'opportunité ce soir. Si tu es là. Est-ce que tu peux lever la main droite? Haut, très haut, je veux voir. La main droite. La main droite. Seigneur, merci. Nous te remercions ce soir au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Ta grâce infinie remplit ma vie. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à BNP, non loin du Trotro Station, en face de Sugar Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30 pour une rencontre qui va changer votre vie le meilleur. Aimez notre page Facebook, Mission Internationale Jésus qui guérit, à BNP pour plus de messages. Soyez bénis.